Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gameozo, vous nous écoutez sur le 107 FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 18 octobre, nous souhaitons une bonne fête au Luc. Le dicton, les dictons nous disent, à la Saint-Luc, la betterave devient suc, ou encore à la Saint-Luc, la pluie du vallon fait de la neige sur le mont. Célébration internationale, aujourd'hui journée mondiale de la ménopause. Aux États-Unis, en Alaska, c'est la fête de l'Alaska qui commémore le transfert officiel de la souveraineté de la Russie vers les États-Unis en 1867. Et dans les événements qui se sont déroulés un 18 octobre, en 1950, c'était l'adoption à Paris de la Convention internationale pour la protection des oiseaux qui faisait apparaître la notion d'espèce menacée d'extinction et la nécessité de préserver certains habitats naturels. Allez, que se passe-t-il ce week-end dans la région? On a deux événements, on commence avec celui-ci qui nous est présenté par l'IA. Sorti avec nous au téléphone Camille de la Maison de la Culture et de Loisirs de Gérardmer. Camille, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Mais ça va très très bien, merci. Alors merci de répondre à mes quelques questions. Aujourd'hui, on parle d'un événement qui aura lieu le samedi 19 octobre. Alors c'est un événement pas comme les autres, hein. Il se nomme la nuit des héros pas si super. Ça m'a bien fait rigoler, j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors je vais vous laisser nous expliquer de quoi il s'agit. C'est une nuit du coup qu'on organise pendant le festival Graines d'étoiles du coup qui se passera à Gérardmer. D'accord. Donc durant la soirée elle commence à 18h30, donc si vous voulez vous pouvez venir costumé ou non, sachant que cette année serait bien on va dire en héros pas si super vu que c'est le thème. C'est génial. Et du coup la soirée on organise trois films en rapport avec le thème. Entre temps c'est ponctué de repas. D'accord. C'est pour petits et grands, plus pour raviver la flamme de l'adolescence. D'accord. Ça, c'est génial. Qui a eu cette idée très innovante? Je pense que ça devait partir de Loïc Morézy, du coup, qui organise le festival de Graines d'étoiles de Gérardmer. D'accord. Puis, le thème varie d'année en année. Il y a une année, c'était les dernières, c'était les soirées flashback. Et puis les années précédentes, c'était les soirées délirantes. Génial. Donc j'imagine qu'on s'amuse bien pendant ces soirées. Alors on peut, comme vous l'avez dit, enfiler son plus beau costume de super-héros pour donc découvrir trois films qui seront diffusés. Quels seront ces films? Alors le film, il y aura OSS 117, Le Kerni d'espion. D'accord. Après, il y aura Johnny English contre-attaque. Oui. Et enfin, il y aura Deadpool. Et ben voilà, super. Donc accompagné d'un repas entre chaque film, hein, vous l'avez dit. C'est ça. Est-ce qu'il faut réserver pour assister à cette soirée? Alors on peut réserver directement à la MCL. D'accord. Ou en ligne sur le site grainesdetoiles.com dès le 19 septembre. Et ben voilà, super. On remettra ces liens avec cette interview d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner le tarif de cette soirée? Alors le tarif de la soirée c'est 15 euros les trois films et le repas qui est compris. D'accord. Et un film seul c'est 4 euros. Et ben voilà, super, on peut plus d'excuses pour ne pas s'amuser ce samedi 19 octobre dès 18h30. Donc directement à la Maison de Culture et de Loisirs à Gérardmer, c'est là que ça se passe? Oui. Ok. Eh bien merci beaucoup Camille d'avoir répondu à mes quelques questions. Et on vous souhaite une très bonne soirée ce 19 octobre. Est-ce que vous serez présente sur les lieux? Oui, je serai présente. Eh ben voilà, en plus vous pourrez rencontrer Camille. Que de bénéfices pour cette soirée. Merci beaucoup à vous et merci. À très bientôt. Au revoir. Merci Lia, qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Tout de suite, on s'écoute les Rita Mitsuko avec leur titre Andy. bien lui. Rita Mitsuko avec leur titre Andy sur RGM. Presque 8h40, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 18 octobre 1938, naissance de Guy Roux, entraîneur de foot français, célèbre entraîneur de la JOCR entre 1961 et 2005, et en 2007, à noter qu'il a entraîné le RC Lens. 1946, naissance d'Howard Shore, compositeur canadien, connu pour la musique des trois volets du Seigneur des Anneaux, qui lui a d'ailleurs valu d'être récompensé par deux Oscars du cinéma pour La Communauté de l'Anneau et Le Retour du Roi. Il a aussi composé la musique de la trilogie du Hobbit. D'ailleurs, le premier volet passera à la télé dimanche soir, si ça vous intéresse. Tout de suite, on s'écoute un petit extrait donc de la musique du Seigneur des Anneaux. astrologue pour l'univers des nains, des elfes, des hobbits ou encore des mages sorciers. Ouais, c'était un extrait donc de la musique composée par Howard Shaw. On continue les anniversaires. 1947, naissance de Joe Morton Jr., acteur américain vu dans Terminator 2 dans le rôle du docteur Miles Bennett Dyson, Speed 1 et 2 dans le rôle du capitaine McMahon, Ali Paycheck, Batman vs Superman, l'aube de la justice où il fait juste un caméo dans le rôle de Silas Stone et d'ailleurs on peut le voir dans ce même rôle dans le film Justice League. Vu également dans la série Smallville dans le rôle du docteur Stephen Hamilton, la série Eureka dans le rôle d'Henry Deacon, The Good Wife dans le rôle de Daniel Golden ou encore Scandal dans le rôle de Roanne Pope. 1956, naissance d'Isabelle Autissier, navigatrice française, première femme à avoir accompli un tour du monde lors d'une compétition en 1991. Également naissance de Martina Navratilova, ancienne joueuse de tennis américaine ayant fait carrière de 1973 à 2006, qui a été numéro 1 mondiale en simple et en double. En simple, c'était en 1978. Elle a gagné 9 fois Wimbledon, 4 fois l'US Open, 3 fois l'Open d'Australie et 2 fois Roland-Garros. Numéro 1 mondial en double, c'était en 84. Elle a remporté 9 fois l'US Open, 8 fois l'Open d'Australie, 7 fois Roland-Garros et Wimbledon. Et elle a remporté 4 Fed Cup. C'était en 75, 82, 86 et 89. 1957, naissance de Catherine Ringer, chanteuse française du groupe Les Rita Mitsuko. 1959, naissance de Bruno Locher, acteur français vu dans Les Trois Frères, Potiche, rien à déclarer, dans le rôle de Tiburce, le passeur de drogue, Star 80, Star 80, la suite, Super Chondriaque ou encore Les Vacances du Petit Nicolas. 1960, naissance de Jean-Claude Van Damme, acteur belge, vu dans Bloodsport, Kickboxer 1 et 2 dans le rôle de Kurt Sloan, Full Contact, Time Cop, JCVD ou encore Expendables 2 dans le rôle de Jean Vilain. 1963, naissance de Steve Epting, dessinateur américain de comics, connu pour son travail sur les séries The Avengers et Captain America pour la firme Marvel Comics. 1966, naissance de Guillaume de Tonquédec, acteur français vu dans Le Prénom dans le rôle de Claude Gatignol, récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle. Barbecue, Coexister, la série télécommissaire Cordier dans le rôle du commandant Thomas Sorensen, Fais pas ci, fais pas ça dans le rôle de Renaud Lepic, Camping Paradis ou encore Profilage. 1968, naissance de Fernando Soto, acteur espagnol, apparu dans 15 épisodes de la célèbre série La Casa de Papel dans le rôle d'Angel. 1969, naissance de Pascal Sautens, éducateur sportif, présentateur de l'émission télé SOS Ma Famille a Besoin d'Aide. 1982, naissance de Thierry Amiel, chanteur français révélé par l'émission À la Recherche de la Nouvelle Star, dont il a été finaliste en 2003. Il a d'ailleurs repris par la suite le titre Les Mots Bleus de Christophe. On en écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour l'extrait des mots bleus. On continue les anniversaires, on reste en 82 avec la naissance également du chanteur américain Ne-Yo, qu'on écoutera un petit peu plus tard. 1983, naissance d'Emily Gomis, basketteuse française professionnelle depuis le 2001, ayant joué à Tarbes, Villeneuve-d'Ascq, Valenciennes au Fenerbahçe, Naples, Villeneuve-d'Ascq, Montpellier, Saint-Amand, Toulouse, Stade français. Depuis 2018, elle joue au club de Chauray. En équipe de France, elle est médaillée d'argent au JO 2012, médaillée d'or au championnat d'Europe 2009, médaillée d'argent au championnat d'Europe 2013 et médaillé de bronze au championnat d'Europe 2011. 1984, naissance de Lynn Sevon, ancienne skieuse américaine ayant fait carrière de 1999 à 2019. Aux Jeux Olympiques, elle compte une médaille d'or et deux de bronze au championnat du monde, deux médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze. 1987, naissance de Zac Efron, acteur-chanteur américain, connu pour son rôle de Troy Bolton dans High School Musical 1, 2 et 3, vu également dans les films 17 ans encore, Happy New Year, Nos pires voisins 1 et 2 dans le rôle de Teddy Sanders, Baywatch, Alerte à Malibu dans le rôle de Matt Brody, The Greatest Showman dans le rôle de Philip Carlyle ou encore la série télé Summerland dans le rôle de Cameron Bayle. 1991, naissance de Tyler Posey, acteur américain, vu dans Coup de foudre à Manhattan dans le rôle de Ty Ventura, Scary Movie 5, la série télé Brothers and Sisters, Teen Wolf dans le rôle de Scott McCall ou encore Jane the Virgin dans le rôle d'Adam Alvaro. C'est également l'année naissance de Toby Regbo, acteur britannique vu dans Mr. Nobody dans le rôle de Nemo à l'âge de 15 ans, Harry Potter et les Reliques de la Mort dans le rôle d'Albus Dumbledore jeune, rôle qu'il a d'ailleurs repris en 2018 dans Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald et vu dans la série télé Reign dans le rôle de François II de France. En 1931, décédé Thomas Edison, inventeur industriel américain, inventeur prolifique, plus de 1000 brevets à son actif, pionnier de l'électricité, diffuseur, vulgarisateur, fut également l'un des inventeurs du cinéma et de l'enregistrement du son. En 1982, décédé Pierre Mendès France, homme politique et avocat français, président du Conseil de 1954 à 55. En 2003, décédé Giovanni Ubaldo Panzani, industriel français, fondateur de l'entreprise de pâtes alimentaires, eh bien qui porte son nom. Et en 2008, décédé Didi Warwick, chanteuse américaine, notamment connue pour le titre Suspicious Minds, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour la chanteuse Didi Warwick, avant de s'écouter Neo, on s'écoute un message de la région du Grand Est. Vous avez entre 15 et 29 ans, vous résidez dans le Grand Est, vous souhaitez contribuer au développement de votre région, engagez-vous au Conseil Régional des Jeunes. Lycéens, apprentis, étudiants, en recherche d'emploi ou actifs, soyez le porte-parole de votre génération en devenant l'un des 72 membres du Conseil Régional des Jeunes du Grand Est. Candidatez jusqu'au 5 novembre sur www.jeuneest.fr. Voilà, allez, tout de suite, on s'écoute Neo avec son titre « So Sick ». Sad and slow, so why can't I turn off the radio? of you and your memory. And now every song reminds me of what used to be. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you are still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. Neyo et le titre Saucic sur le 107 FM, presque 8h54, on parle météo. La météo. Et aujourd'hui, ce sera une journée nuageuse et pluvieuse. Il va falloir s'y habituer parce qu'on passera le week-end sous la pluie également. C'est un temps à rester sous la couette, moi je vous le dis. Pour aujourd'hui, des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 15 et 16 degrés cet après-midi. Pour samedi, entre 12 et 13 degrés le matin, entre 13 et 15 degrés samedi après-midi. Pour dimanche, entre 11 et 12 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés tout de même pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le tennis et on va commencer avec les bonnes nouvelles à Moscou. La qualification de Jérémy Chardy en 2-7 face à Kecmanovic, 6-3, 6-4. Il affrontera aujourd'hui Cilic et Manarino affrontera Lajovic. Côté féminin, la qualification de Mladenovic en 3-7 face à Sevastova, 7-5, 3-6, 6-3. Mladenovic affrontera aujourd'hui Bertens. C'est à Anvers. Bonne nouvelle venant de Hugo Humbert qui s'est qualifié en 2-7 face à David Goffin, 6-3, 6-1. En revanche, Gaël Monfils, lui, a été éliminé par le tout jeune Sinner, 18 ans, en une heure de match seulement, 6-3, 6-2. Au programme d'aujourd'hui, Humbert affrontera Peya et Gilles Simon sera opposé, lui, à Stan Wawrinka. Allez, un mot de football avec la Ligue 1. Ce soir, Nice-PSG. Samedi, on aura Lyon face à Dijon. Angers-Brest, Metz recevra Nantes, Nîmes-Amiens, Reims-Montpellier et Toulouse-Lille. Dimanche, il y aura Bordeaux-Saint-Etienne, Monaco-Rennes et on terminera avec Marseille face à Strasbourg en Ligue 2. Ce soir, Nancy se déplace à l'AC Ajaccio. En National 2, samedi, Épinal reçoit le club de Belfort. En National 3, samedi toujours, Raon L'Étape se déplacera à Saint-Louis. Et dimanche, Thaon-les-Vosges se déplacera à la métropole troyenne. En basket, en National 1, ce soir, le Jet Vosges reçoit l'équipe de Feur. Et en Pro B, samedi, Nancy recevra le club d'Evreux. En hockey sur glace, en D2, Épinal recevra samedi soir à la patinoire de Poissonpré le club d'Evry-Viry. Et on termine cette actu avec du rugby et la Coupe du Monde, bien sûr, avec le quart de finale dimanche matin, 9h15, pour encourager les Bleus face au Pays de Galles. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec The Greatest Showman. Le titre, c'est The Greatest Show. Et on y retrouve Zac Efron, Hugh Jackman, Kyla Settle ou encore Zendaya. We'll be right back. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want? The Greatest Showman sur RGM, un peu plus de 9h et c'est l'heure de se dire au revoir. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors juste après, on retrouvera Lia qui nous parlera du NJP de Remiremont qui a lieu ce week-end. Ensuite à 9h30, ce sera À Notre Monde, 11h Ours et Carottes, 14h rediffusion de GM et Je vous le lis, 15h Jazz Time, 20h ce sera Mosaïque avec François et nous on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.